Marc-Yacon. L'année sur formule. Mais il y en a des nous, mon bonheur, pas juste ça marre. Wir waren in Köln auf dem Flug.